Matin d'hiver, à Mademoiselle Marguerite Coutenceau. La neige tombe en paix sur Paris qui sommeille, de sa robe d'hiver à minuit s'affublant. Quand la ville, surprise au grand jour, se réveille, fin clocher, dôme rond, palais vieux, tout est blanc. Moins rude sous l'effroi, et la Seine charrie, d'énormes blocs de glace aux longs reflets vitreux, éclaboussent d'argent l'arche du Pont-Marie, poursuivent leur voyage et se choquent entre eux. Les cloches, qui tintaient à si grande volée pour fêter dignement les jours carillonnés, n'ont plus qu'un timbre mat et des notes voilées, comme si leurs battants étaient capitonnés. Les barques des chalands, au long des quais rangés, de leur unique voile ont fermé l'éventail, et toutes dans la glace, en bon ordre figé, sont prises dans leurs coques et jusqu'au gouvernail. Enrobant le soleil sous deux ailes de flamme, un goéland du Havre ou de Ponto de Mer vient comme un Saint-Esprit planer sur Notre-Dame. On reconnaît de loin le grand oiseau de mer. Ce fut par de joyeux et clairs matins de neige, où l'aurore allumait ses premiers feux pourprés, qu'autrefois les Normands, blonds fils de la Norvège, dressait la haute échelle à Saint-Germain-des-Prés. André le Moine. Lu par Sabine pour Audiocité sous la licence Art Libre.